Section 17. De Essai sur les révolutions, suivi des études historiques, par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johan. Études historiques. Avant-propos, préface. Avant-propos, mars 1831. Souvenez-vous, pour ne pas perdre de vue le train du monde, qu'à cette époque, la chute de l'Empire romain, il y avait des historiens qui fouillaient, comme moi, les archives du passé au milieu des ruines du présent, qui écrivaient les annales des anciennes révolutions au bruit des révolutions nouvelles. Eux et moi, prenant pour table, dans l'édifice croulant, la pierre tombée à nos pieds et attendant celle qui devait écraser nos têtes. Étude 6e, seconde partie. Je ne voudrais pas, pour ce qui me reste à vivre, recommencer les 18 mois qui viennent de s'écouler. On n'aura jamais une idée de la violence que je me suis faite. J'ai été forcé d'abstraire mon esprit 10, 12 et 15 heures par jour de ce qui se passait autour de moi, pour me livrer puérilement à la composition d'un ouvrage dont personne ne parcourra une ligne, qui lirait 4 gros volumes lorsqu'on a bien de la peine à lire le feuilleton d'une gazette. J'écrivais l'histoire ancienne, et l'histoire moderne frappait à ma porte. En vain, je lui criais « Attendez, je vais à vous !» Elle passait au bruit du canon en emportant 3 générations de rois. Et que le temps concorde heureusement avec la nature même de ses études. On abat les croix, on poursuit les prêtres, et il est question de croix et de prêtres à toutes les pages de mon récit. On bannit les capets, et je publie une histoire dont les capets occupent 8 siècles. Le plus long et le dernier travail de ma vie, celui qui m'a coûté le plus de recherches, de soins et d'années, celui où j'ai peut-être remis le plus d'idées et de faits, paraît lorsqu'on ne peut trouver de lecteur. C'est comme si je le jetais dans un puits où il va s'enfoncer sous l'amas des décombres qui le suivront. Quand une société se compose et se décompose, quand il y va de l'existence de chacun et de tous, quand on n'est pas sûr d'un avenir d'une heure, qui se soucie de ce que fait, dit et pense son voisin? Il s'agit bien de Néron, de Constantin, de Julien, des apôtres, des martyrs, des pères de l'Église, des Goths, des Huns, des Vandales, des Francs, de Clovis, de Charlemagne, de Hugues Capet et de Henri IV. Il s'agit bien du naufrage de l'Ancien Monde lorsque nous nous trouvons engagés dans le naufrage du monde moderne. N'est-ce pas une sorte de radotage, une espèce de faiblesse d'esprit que de s'occuper de l'être dans ce moment, il est vrai. Mais ce radotage ne tient pas à mon cerveau. Il vient des antécédents de ma méchante fortune. Si je n'avais pas tant fait de sacrifices aux libertés de mon pays, je n'aurais pas été obligé de contracter des engagements qui s'achèvent de remplir dans des circonstances doublement déplorables pour moi. Je ne puis suspendre une publication dont je ne suis pas le maître. Il faut donc couronner par un dernier sacrifice tous mes sacrifices. Aucun auteur n'a été mis à une pareille épreuve. Grâce à Dieu, elle est à son terme. Je n'ai plus qu'à m'asseoir sur des ruines et à mépriser cette vie que je dédaignais dans ma jeunesse. Après ces plaintes bien naturelles et qui me sont involontairement échappées, une pensée me vient consoler. J'ai commencé ma carrière littéraire par un ouvrage où j'envisageais le christianisme sous les rapports poétiques et moraux. Je la finis par un ouvrage où je considère la même religion sous ses rapports philosophiques et historiques. J'ai commencé ma carrière politique avec la Restauration, je la finis avec la Restauration. Ce n'est pas sans une secrète satisfaction que je me trouve ainsi conséquent avec moi-même. Les grandes lignes de mon existence n'ont point fléchi si, comme tous les hommes, je n'ai pas été semblable à moi-même dans les détails qu'on le pardonne à la fragilité humaine. Les principes sur lesquels se fonde la société m'ont été chers et sacrés. On me rendra cette justice de reconnaître qu'un amour sincère de la liberté respire dans mes ouvrages, que j'ai été passionné pour l'honneur et la gloire de ma patrie, que, sans envie, je n'ai jamais refusé mon admiration au talent dans quelque partie qu'il se soit trouvé. Me serais-je laissé trop emporter à l'ardeur de la polémique? Je m'en repens, et je rends justice aux qualités que je pourrais avoir méconnues. Je veux quitter le monde en ami. Préface. Hérodote commence son histoire par déclarer les motifs qui la lui ont fait entreprendre. Tacite explique les raisons qui lui ont mis la plume à la main. Sans avoir les talents de ces historiens, je puis imiter leur exemple. Je puis dire comme Hérodote que j'écris pour la gloire de ma patrie et parce que j'ai vu les maux des hommes. Plus libre que Tacite, je n'aime ni ne crains les tyrans. Désormais, isolé sur la terre, N'attendant rien de mes travaux, je me trouve dans la position la plus favorable à l'indépendance de l'écrivain, puisque j'habite déjà avec les générations dont j'ai évoqué les ombres. Les sociétés anciennes périssent. De leurs ruines sortent des sociétés nouvelles. Lois, mœurs, usages, coutumes, opinions, principes même, tout est changé. Une grande révolution est accomplie, une grande révolution se prépare. La France doit recomposer ses annales pour les mettre en rapport avec les progrès de l'intelligence. Dans cette nécessité d'une reconstruction sur un nouveau plan, où faut-il chercher des matériaux? Quels sont les travaux exécutés avant notre temps? Qu'y a-t-il à louer ou à blâmer dans les écrivains de l'ancienne école historique? La nouvelle école doit-elle être entièrement suivie? Et quels sont les auteurs les plus remarquables de cette école? Tout est-il vrai dans les théories religieuses, philosophiques et politiques du moment? Voilà ce que je me propose d'examiner dans cette préface. Je travaillais depuis bien des années à une histoire de France dont ces études ne présenteront que l'exposition, les vues générales et les débris. Ma vie manque à mon ouvrage. Sur la route où le temps m'arrête, je montre de la main aux jeunes voyageurs les pierres que j'avais entassées, le sol et le site où je voulais bâtir mon édifice. Origine commune des peuples de l'Europe, documents et historiens étrangers à consulter pour l'histoire de France. Les anciens avaient conçu l'histoire autrement que nous. Ils la regardaient comme un simple enseignement, et sous ce rapport, Aristote la place dans un rang inférieur à la poésie. Ils attachaient peu d'importance à la vérité matérielle, pourvu qu'il y eût un fait vrai ou faux à raconter, que ce fait offrit un grand spectacle ou une leçon de morale et de politique, cela leur suffisait. Délivrés de ces immenses lectures, sous lesquelles l'imagination et la mémoire sont également écrasées, ils avaient peu de documents à consulter. Leurs citations ne sont presque rien, et quand ils renvoient à une autorité, c'est presque toujours sans indication précise. Hérodote se contente de dire, dans son premier livre, Clio, qu'il écrit d'après les historiens de Perse et de Phénicie. Dans son second livre, Euterpe, il parle d'après les prêtres égyptiens qui lui ont lu leurs annales. Il reproduit un vers de l'Iliade, un passage de l'Odyssée, un fragment d'Eschyle. Il ne faut pas plus d'autorité à Hérodote ni à ses auditeurs des Jeux Olympiques. Thucydide n'a pas une seule citation, il mentionne seulement quelques chants populaires. Tite-Live ne s'appuie jamais d'un texte. Des auteurs, des historiens rapportent. C'est sa manière de procéder. Dans sa troisième décade, il rappelle les dires de Quintius Alimentus, prisonnier d'Hannibal, et de Coelius et Valerius sur la guerre punique. Dans Tacite, les autorités sont moins rares, quoique encore bien peu nombreuses. On n'en compte que 13 de nominales. Ce sont dans le premier livre des Annales, Pline, historien des guerres de Germanie, dans le quatrième livre, Les Mémoires d'Agrippine, mère de Néron, ouvrage dont on ne saurait trop déplorer la perte. Dans le treizième livre, Fabius Rusticus, Pline l'historien et Cluvius. Dans le quatorzième, Cluvius. Dans le quinzième, Pline. Dans le troisième livre des histoires, Tacite nomme Messala et Pline et renvoie à des mémoires qu'il avait entre les mains. Dans le quatrième livre, il s'en réfère aux prêtres égyptiens. Dans les mœurs des Germains, il écrit un vers de Virgile en l'altérant. Souvent, il dit, les historiens de ces temps racontent. Temporum illorum scriptores prodiderint. Il explique son système en déclarant qu'il ne rapporte le nom des auteurs que lorsqu'ils diffèrent entre eux. Ainsi, deux citations vagues dans Hérodote, pas une dans Thucydide, deux ou trois dans Tite-Live et 13 dans Tacite forment tout le corps des autorités de ces historiens. Quelques biographes, comme Suétone et Plutarque surtout, ont lu un peu plus de mémoire, mais les nombreuses citations sont laissées aux compilateurs comme Pline le Naturaliste, Athénée, Macrobe et Saint Clément d'Alexandrie dans ses stromates. Les analystes de l'Antiquité ne faisaient point entrer dans leurs récits le tableau des différentes branches de l'administration. Les sciences, les arts, l'éducation publique étaient rejetées du domaine de l'histoire. Clio marchait légèrement, débarrassée du pesant bagage qu'elle traîne aujourd'hui après elle, souvent l'historien n'était qu'un voyageur racontant ce qu'il avait vu. Maintenant l'histoire est une encyclopédie. Il y faut tout faire entrer, depuis l'astronomie jusqu'à la chimie, depuis l'art du financier jusqu'à celui du manufacturier, depuis la connaissance du peintre, du sculpteur et de l'architecte jusqu'à la science de l'économiste. depuis l'étude des lois ecclésiastiques, civiles et criminelles, jusqu'à celle des lois politiques. L'historien moderne se laisse-t-il aller au récit d'une scène de mœurs et de passion ? La gabelle survient au beau milieu. Un autre impôt réclame. La guerre, la navigation, le commerce à court. Comment les armes étaient-elles faites alors ? D'où tirait-on les bois de construction ? Combien valait la livre de poivre ? Tout est perdu si l'auteur n'a pas remarqué que l'année commençait à Pâques et qu'il est daté du 1er janvier. Comment voulez-vous qu'on s'assure en sa parole s'il s'est trompé de page dans une citation ou s'il a mal coté l'édition ? La société demeure inconnue si l'on ignore la couleur du haut de chausses du roi et le prix du marc d'argent. Cet historien doit savoir non seulement ce qui se passe dans sa patrie, mais encore dans les contrées voisines. Et parmi ces détails, il faut qu'une idée philosophique soit présentée à sa pensée et lui serve de guide. Voilà les inconvénients de l'histoire moderne. Ils sont tels qu'ils nous empêcheront peut-être d'avoir jamais des historiens comme Thucydide, Tite-Live et Tacite, mais on ne peut éviter ces inconvénients et force y est de s'y soumettre. L'écrivain appelé à nous peindre un jour un grand tableau de notre histoire ne se bornera pas à la recherche des sources d'où sortent immédiatement les Francs et les Français. Il étudiera les premiers siècles des sociétés qui environnent la France parce que les jeunes peuples de diverses contrées, comme les enfants de divers pays, ont entre eux la ressemblance commune que leur donne la nature, et parce que ces peuples, nés d'un petit nombre de familles alliées, conservent dans leur adolescence l'empreinte des traits maternels. Quatre espèces de documents renferment l'histoire entière des nations dans l'ordre successif de leur âge. Les poésies, les lois, les chroniques contenant les faits généraux, les mémoires peignant les mœurs et la vie privée, les hommes chantent d'abord, ils écrivent ensuite. Nous n'avons plus les bardites que fit recueillir Charlemagne. Il ne nous reste qu'une ode en l'honneur de la victoire que Louis, fils de Louis le Bègue, remporta en 881 sur les Normands. Mais le moine de Saint-Gall et Hermold le Noir ont tout à fait écrit dans le goût de la chanson germanique. La mythologie et les poésies scandinaves, les Eddas et les sagas, les chants des Scaldes que nous ont conservés Snorron, Saxon le Grammairien, Adam de Brême et les chroniques anglo-saxonnes, les Nibelung, quoique d'une date plus récente, supplaient à nos pertes. On verra l'usage que j'en ai fait en essayant de tracer l'histoire des mœurs barbares. Quant à ce qui concerne les langues, les évangiles goths d'Ulfila sont un trésor. Pour le Midi de la France, M. Renoir a réhabilité l'ancienne langue romane et en publiant les poésies écrites ou chantées dans cette langue, il a rendu un service important. M. Fauriel, à qui nous devons la belle traduction des chants populaires de la Grèce, doit montrer dans la formation de la langue romane les traces des trois plus anciennes langues de la Gaule, encore parlées aujourd'hui, l'une en Écosse, l'autre dans le pays de Galles et la Basse-Bretagne, la troisième chez les Basques. Il a remarqué un poème sur les guerres des Arabes d'Espagne et des chrétiens de l'Occitanie, dont le héros est un prince aquitain nommé Walter. Ne serait-ce point Vefre ? Plusieurs chants remémorent les rébellions des divers chefs du Midi de la France contre les monarques carlovingiens. Cela sert de plus en plus à prouver que les hostilités de Charles le Martel, de Pépin et de Charlemagne contre les princes d'Aquitaine eurent pour cause une inimitié de race, les descendants des Mérovingiens régnant au-delà de la Loire. On nous fait espérer que M. Fauriel s'occupe d'une histoire des barbares dans les provinces méridionales de la France. Le sujet serait digne de son rare savoir et de ses talents. Il ne faut pas s'en tenir aux lois saliques, ripuaires et gombettes pour l'étude des lois barbares. On doit considérer comme chapitre d'un même code national les lois lombardes, allemandes, bavaroises, russes, celles-ci ne sont que le droit suédois, anglo-saxonnes et galliques. Avec les dernières, on peut reconstruire plusieurs parties du primitif édifice gaulois. Toutes ces lois ont été imprimées ou séparément ou dans les différents recueils des historiens de la France, de l'Italie, de l'Allemagne et de l'Angleterre. Le père Canciani recueillit à Venise, en 1784, Barbarorum leges antiquae, en 5 volumes in folio, excellente collection qui devrait être dans nos bibliothèques. On y trouve la traduction italienne des Assises du Royaume de Jérusalem et divers morceaux inédits. On assure que nous aurons bientôt les Assises entières publiées sur le manuscrit retrouvé avec les traductions grecques, barbares et italiennes de 1490. L'Académie des inscriptions s'en occupe. La collation des deux textes de la loi salique dont il existe 18 ou 20 manuscrits connus, collation faite par M. Viardat, est estimable. Il sera bon d'y avoir égard. Mais Bignon reste toujours docteur en cette matière, comme Baluz est à jamais l'homme des capitulaires et des formules. Après les poésies et les lois, on ne consultera pas sans fruit pour les 6 premiers siècles des temps barbares les historiens de la Russie, de la Pologne, de la Suède et de l'Allemagne, quoiqu'en général, ils aient écrit d'après les nôtres. Le plus ancien analyste russe est un moine de Kiev, Nestor. La monarchie russe fut fondée vers le milieu du IXe siècle. Kiev, depuis l'an 882, en devint la première capitale. À la fin du Xe siècle, Kiev et toute la vieille Russie embrassèrent le christianisme. Nestor rédigea en slavon son ouvrage vers l'an 1073. Cet ouvrage a été traduit en allemand par Scherer et commenté par Schlosser. Il n'en existe aucune traduction française ou latine. Quelques notes tirées de Nestor se trouvent seulement dans la traduction française de l'histoire de Karomsin. Nestor a imité Constantin, Cédrin, Zonard et autres écrivains de la Byzantine. Il a transporté dans son texte plusieurs passages de ces écrivains. Il nous a conservé in extenso 2 documents précieux de l'histoire de la Russie, les traités de paix d'Olèse et d'Igor avec la cour de Constantinople. Les Grecs eux-mêmes ne connaissaient pas l'existence de ces 2 pièces car elles sont de l'époque la plus stérile de leurs annales, de l'an 813 à l'an 959. La chronique de Nestor finit à l'année 1096. Nestor reste, d'après l'opinion de Schlosser, la première, l'unique source, au moins la source principale pour l'histoire du Nord scandinave et finnois. Jusqu'à lui, ces contrées étaient pour les histoires terra incognita. Dans un des continuateurs de Nestor, on remarque le plus ancien code des lois russes, nommé la vérité russe ou le droit russe. Il est tiré des lois scandinaves. Les premiers souverains de la Russie vinrent de la Scandinavie, appelés qu'ils furent par la volonté des peuplades russes. Pour se convaincre que le droit russe est d'origine scandinave, il suffit de le comparer avec la législation suédoise dont les fragments les plus authentiques ont été conservés. Un ouvrage assez rare aujourd'hui imprimé à Habo ou à Uppsala, De jure sueonum godurumque vetusto, offre le texte original du droit russe, et souvent on ne peut comprendre le texte russe qu'à l'aide du texte suédois. Un travail à consulter sur les historiens et la littérature slavo-russe est celui de Kohl, Introductio ad Histor Literar Slav. Les historiens des autres peuples d'origine slave sont venus plus tard que Nestor et même plus tard que son premier continuateur, car Nestor a écrit entre l'an 1056 et l'an 1116 et l'historien de Prague Cosme est mort en l'an 1125. Martin Gallus, analyste de Pologne, doit être placé de 1109 à 1136. Helmod, dont l'ouvrage sert de source à l'histoire des peuples du Moyen-Âge de l'Allemagne et surtout à celle des Slaves, a écrit à Lübeck vers l'an 1170 « Chronica Slavorum ». Adam de Bremen est presque contemporain de Nestor. Il est inutile pour l'histoire de Danemark. Un autre analyste, aussi consciencieux que Nestor et de quelques années plus ancien que lui, mort l'année 1018, est Dithmar, évêque de Merseburg. Il a écrit touchant l'Allemagne. Tous les documents de l'histoire de la Germanie se trouveront réunis dans le recueil des historiens allemands que publie en Hanovre le savant Paertz sous les auspices du baron de Stein. M. Paertz a visité le cabinet de Neuchart et il a fouillé dans les archives du Vatican pour l'histoire du Moyen-Âge de l'Allemagne. Le premier volume in folio de ce recueil a été publié, le second et le troisième doivent bientôt paraître. Ce recueil rendra inutile ce connu jusqu'à présent sous la dénomination de Scriptores Rerum Germanicarum. Reste à savoir pourtant si l'on se pourra passer de la collection de Leibniz de Scriptores Rerum Brunswickensium. Leibniz, génie universel, a pressenti l'importance de son travail pour la mythologie des Slaves et des Germains, et même pour la langue de ses peuples. Dans une de ses préfaces, on trouve sur l'histoire du Moyen-Âge des idées que les appréciateurs modernes de ces temps n'ont fait souvent que reproduire sous d'autres formes. L'histoire de Suède de Dalen est une compilation assez complète mais peu critique. Celle de Roos est la plus estimée. Le nouveau recueil, dont 2 volumes ont déjà paru, est de Geyer. On a 2 foreign folios de Lagerbring composés de matériaux historiques et législatifs sur la Suède. L'histoire de Danemark de Malais n'est pas à négliger. L'introduction relative à la mythologie et aux poésies du Nord est intéressante, quoique depuis on ait fait des progrès dans la langue et des découvertes dans les fables scandinaves. Saxo Grammaticus est le Nestor du Danemark, comme Snorron et l'Hérodote du Nord. Ce pays possède aussi un recueil de scriptores. Quant à l'histoire de Pologne, outre Martin Gallus, on trouve Vincent Cadlubeck, évêque de Cracovie, mort en 1223. L'évêque de Lukosz compila les annales de son pays vers le milieu et la fin du XVe siècle, empruntant ses récits, comme il l'avoue lui-même, aux traditions populaires. Par ordre de Nicolas Ier, on procède en Russie à la réunion des documents slaves et autres titres de ce vaste empire. La Lusace et la Bavière commencent des collections. La société formée à Francfort s'occupe sans relâche de la découverte et de la publication des diplômes et papiers nationaux de l'Allemagne. Telles sont les richesses que nous offre le nord de l'Europe. Toutefois, n'abusons pas, comme on est trop enclin à le faire, des origines scandinaves, slaves et tudesques. Il semble aujourd'hui que toute notre histoire soit en Allemagne, qu'on ne trouve que là nos antiquités et les hommes qui les ont connues. Les 40 ans de notre Révolution ont interrompu les études en France, tandis qu'elles ont continué dans les universités germaniques. Les Allemands ont regagné sur nous une partie du temps que nous avions gagné sur eux, mais si pour le droit, la philologie et la philosophie, ils nous devancent à l'heure qu'il est, ils sont encore loin d'être arrivés en histoire au point où nous nous trouvions lorsque nos troubles ont éclaté. Rendons justice aux savants de l'Allemagne, mais sachant que les peuples septentrionaux sont, comme peuple, plus jeunes que nous de plusieurs siècles, que nos chartes remontent beaucoup plus haut que les leurs, que les immenses travaux des bénédictins de Saint-Maur et de Saint-Vannes ont commencé bien avant les travaux historiques des professeurs de Göttingen, d'Iéna, de Bonn, de Dresde, de Weimar, de Brunswick, de Berlin, de Vienne, de Presbourg, etc. Que les érudits français, supérieurs par la clarté et la précision aux érudits d'outre-Rhin, les surpassent encore par la solidité et l'universalité des recherches. Les Allemands ne l'emportent véritablement sur nous que dans la codification. Encore les grands légistes Cujas, Domas, Dumoulin, Potier sont-ils français? Nos voisins ont sur les origines des nations barbares quelques notions particulières qu'ils doivent aux langues parlées en Dalmatie, en Hongrie, en Serbie, en Bohême, en Pologne, etc. Mais un esprit saint ne doit pas attacher trop d'importance à ces études qui finissent par dégénérer dans une métaphysique de grammaire, laquelle paraît d'autant plus merveilleuse qu'elle est plus noyée dans les brouillards. Que par l'étude du sanskrit et des différents dialectes indiens, tibétains, chinois, tartares, on parvienne à dresser des formules au moyen desquelles on découvre le mécanisme général du langage humain, philosophiquement parlant, ce sera un progrès considérable de la science. Mais, historiquement parlant, il est douteux qu'il en résulte beaucoup de lumière. Au système des origines communes par les racines du logos, on opposera toujours avec succès le synchronisme ou la spontanéité du verbe comme de la pensée dans divers temps et dans divers pays. Si nous passons de l'Allemagne à l'Angleterre, il n'est pas sans profit de parcourir les poésies anglo-saxonnes, galliques, écossaises, irlandaises, afin de prendre un sentiment général de l'enfance d'une société barbare. Mais il ne les faudrait pas convertir en preuves, car la vanité cantonale a tellement mêlé les chants faits après coup aux chants originaux qu'on les peut à peine distinguer. Quant aux lois, j'ai déjà dit qu'il était bon de consulter les lois anglo-saxonnes et galliques. Les actes de Rimmer, continués par Robert Sanderson, sont un bon recueil, mais ils ne commencent qu'à l'an 1101, sautent tout à coup de l'an 1103 à l'an 1137 et continuent de la sorte avec des lacunes de 10, 15 et 20 ans jusqu'au XIIIe siècle, où les chartes se multiplient. Ce recueil, tout important qu'il soit, est fort inférieur à celui des ordonnances de nos rois et autres collections qui doivent faire suite à ces ordonnances. Les matières y sont mêlées et incohérentes, elles ne sont point précédées de ces admirables préfaces dont les Delorier, les Secous, les Villevaux, les Bréquigny ont enrichi leur travail et qui sont des traités complets du droit français. Le Clerc et Rapin ont pourtant donné dans le 10e volume des Actes de Rimmer un abrégé historique sec mais utile des 20 volumes de l'édition de Londres de 1745. Dans les historiens primitifs de l'Angleterre, l'analyste français peut glaner avec succès les trois Gildas, l'histoire ecclésiastique de Bède, et dans les bas siècles, les chroniqueurs, poètes ou prosateurs de la race normande. les traductions anglo-saxonnes faites du latin par Alfred le Grand, les lois de ce prince publiées par Guillaume Lombard, son testament, avec les notes de Manning, apprennent quelques faits curieux. Dans sa traduction anglo-saxonne d'Orose, Alfred a inséré deux périples scandinaves de la Baltique, du norvégien Otter et du danois Wulfstan. C'est ce qu'il y a de plus authentique touchant cette mer intérieure, au bord de laquelle étaient cantonnés ces barbares qui devaient aller conquérir les habitants civilisés des rivages de la Méditerranée. Il existe plusieurs recueils des historiens anglais, mais sans ordre. Ils se répètent aussi parce que dans ce pays de liberté, le gouvernement ne fait rien et les particuliers font tout. Il faut joindre à la collection d'Edelberg, 1587, la collection de Francfort, 1601, et les 10 auteurs du recueil de Selden, Londres, 1652. On aura alors à peu près tout ce qui est relatif aux mœurs communes de l'Angleterre et de la France. La réunion des anciens historiens anglais, écossais, irlandais et normands de Camden ne vaut pas sa Britanniae Descriptio. C'est celle-là qu'il faut étudier pour les origines romaines et barbares. Le génie des Normands, lié si intimement au nôtre, se décèle surtout dans le Domesday Book. Ce document d'un prix inestimable a été imprimé en 1783 par ordre du Parlement d'Angleterre. On le compléterait en consultant le pouillé général du clergé d'Angleterre et du pays de Galles, auquel Édouard II fit travailler en 1291. Le manuscrit de ce pouillé est aux bibliothèques d'Oxford. La principauté de Galles, les comtés de Northumberland, de Cumberland, de Westmoreland et de Durham manquent au Domesday Book. Cette statistique offre le détail des terres cultivées, habitées ou désertes de l'Angleterre, le nombre des habitants libres ou serfs, et jusqu'à celui des troupeaux et des ruches d'abeilles. Dans le Domesday Book sont grossièrement dessinées les villes et les abbayes. Il ne faut pas négliger de consulter les cartes du Moyen-Âge, elles sont utiles non seulement pour la géographie historique, mais encore parce qu'à l'aide des noms propres de lieux, on retrouve des origines de peuples. Dans le périple de Wulfstan, par exemple, l'île de Bornholm est appelée Burgendaland. Et dans l'ouvrage historique de Snorron, Ems Gringla, on voit que les Scandinaves disaient Borgundar Holm. Voilà la patrie des Burgondes ou Bourguignons. En ne pressant pas trop ces indications, on en tire un bon parti. Mais il ne faudrait pas, comme plusieurs auteurs allemands, se figurer qu'une tribu de Francs prit le nom de Salii parce qu'elle campait sur les bords de la Saale en Franconie. Le gouvernement anglais a employé à Rome le savant Marini à la collection des lettres des papes et des autres pièces relatives à l'histoire de la Grande-Bretagne depuis 1216. Le Portugal et l'Espagne fournissent d'autres espèces de documents. Les langues qu'on parlait dans le midi de la Gaule avant que ces langues eussent été envahies par le Picard ou le français wallon étaient parlées dans la Catalogne le long du cours de l'Èbre, et se répandaient derrière les Basques par les vallées des Astures jusque dans les Lusitanies. Les poèmes primitifs du Cid et les romances de la même époque, les anciennes lois maritimes de Barcelone, le récit de l'expédition de la grande compagnie catalane en Morée doivent être lus, la plume à la main, par l'historien français. Il trouvera aujourd'hui de nouveaux éclaircissements dans les Antiquités du droit maritime, savant ouvrage de M. Pardessus, et dans la chronique en grec barbare, des guerres des Français en Romanie et en Morée, publié par M. Buchon, à qui l'on doit de si utiles éditions. Alphonse Ier, roi de Castille, surnommé le Sage, a laissé en vieux espagnol un corps de législation bon à consulter. Alphonse remonte souvent aux lois premières. Il y a un ton de candeur et de vertu dans l'exposé de ces institutions qui rend ce roi de Castille un digne contemporain de Saint-Louis. Parmi les chroniqueurs espagnols, Idas doit être recherché pour la peinture des mœurs des Suèves et des Goths, et pour celle des ravages de ces peuples dans les Espagnes et les Gaules. Mais il y a plus à prendre dans Isidore de Séville, postérieur à Idas, d'environ 150 ans. Il faut lire particulièrement dans Isidore la fin de sa chronique, depuis l'an 500 de Jésus-Christ, son histoire des rois Goths, Vandales et Suèves, son livre des étymologies, sa règle pour les moines de l'Andalousie et ses ouvrages de grammaire. Dans la collection des historiens espagnols en 4 volumes in folio, l'ordre chronologique des auteurs n'a point été suivi. Parmi les bruts matériaux de l'histoire d'Espagne, gît le travail des écrivains modernes, et en particulier l'Historia de Rebus Hispanicis de Mariano. Les premiers livres de cette histoire sont excellents, surtout dans la traduction espagnole. Il y a 200 pages à parcourir dans les Antiquités lusitaniennes de Rosan. En descendant de l'Espagne à l'Italie, on retrouve la civilisation qui ne périt jamais sur la terre natale des Romains. Néanmoins, le royaume d'Odoacre, celui des Goths, celui des Lombards, ont laissé des documents où l'on reconnaît la trace des barbares. Les collections de Muratori offrent seules une large moisson. Mais nous avons négligé d'ouvrir, lorsque nous le pouvions, deux sources, l'Escurial et le Vatican, dont l'abondance aurait renouvelé une partie de l'histoire moderne. Qu'on en juge par un fait presque entièrement ignoré, il est d'usage de tenir un registre secret sur lequel est inscrit heure par heure tout ce que dit, fait et ordonne un pape pendant la durée de son pontificat. Quel trésor qu'un pareil journal ! Fin de la section 17.